Sorties culturelles. Sortie culturelle au Festival du cinéma en famille de Québec vous est présenté en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Bonjour et bienvenue au Festival de cinéma en famille de Québec. On est là pour l'émission Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec. C'est comme ça que j'aurais dû le dire, en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy, en plein cœur de ce festival qui fait déplacer les foules, il faut le dire, de tous âges. Et on est ici juste devant la billetterie du Clap Sainte-Foy. Si vous voulez passer nous dire bonjour, on sera bien content de vous faire vivre le festival comme si vous y étiez. On est ensemble jusqu'à 17h30, Jessica Leb pour vous accompagner. Je découvre et je redécouvre cette 8e édition du FCEQ, comme on l'abrège ici, au cinéma Le Clap Sainte-Foy, mais également à Loretteville. On vous rappelle que maintenant, il y a deux lieux de diffusion en plein cœur de Québec. Alors aujourd'hui, pendant cette heure et demie, on va recevoir notamment des personnes qui animent les différents ateliers pour démocratiser, vulgariser le milieu du cinéma aux familles. On a par exemple un atelier effets spéciaux qui va être donné ce jeudi 7 mars à 10h15 au Clap Sainte-Foy. On recevra Luc Boulanger qui sait tout sur les effets spéciaux au cinéma. Également, on recevra un bénévole du festival, un jeune, j'ai oublié de lui demander son âge, mais je pense que c'est un jeune adolescent qui s'investit toute la journée ici au Clap pour accueillir les visiteurs, pour les informer aussi. Il nous parlera de son expérience et d'ailleurs, ce jeune Manuel nous présente l'exposition BD 3D dans le lounge du cinéma Le Clap Sainte-Foy, une façon de vous familiariser avec l'univers de la BD québécoise en réalité virtuelle. Je l'ai essayé pour vous. C'était très, très intéressant, très animé, bien évidemment. On reviendra sur l'expérience avec le responsable de cette BD 3D, Patrick Marlot. On parlera également avec Annie Frenette, membre de l'équipe d'organisation du Festival de cinéma en famille de Québec. On survolera la programmation de ce soir et de demain pour voir les films à ne pas manquer. Et puis cette première demi-heure, on va la consacrer à la pyramide Sainte-Foy qui abrite le cinéma Le Clap depuis de nombreuses années maintenant. Et on se rend compte aussi que c'est un carrefour de rencontres culturelles et même sportives. On découvrira Kung Fu Québec avec l'un des cofondateurs de l'école d'arts martiaux. Il sera avec nous pour tout nous dire sur cet art martial originaire de la Chine. Mais pour commencer, on ne peut pas parler de la pyramide Sainte-Foy et de ses activités culturelles sans parler de la librairie indépendante, la librairie La Liberté, qui est située à la pyramide Sainte-Foy depuis de nombreuses années aussi. On va en parler avec sa directrice Elena, La Liberté. Bonjour Elena. Bonjour Jessica. Qu'est-ce que ça représente pour vous la pyramide Sainte-Foy comme lieu culturel? Ben c'est un lieu quand même central qui est très proche des institutions d'enseignement majeur comme l'Université Laval, les Cégeps. Donc c'est un lieu où il y a beaucoup d'étudiants qui circulent. Nous d'ailleurs, mon grand-père à son arrivée à Sainte-Foy avait choisi ce lieu-là comme deuxième lieu en fait pour ouvrir la librairie pour vraiment aller rejoindre cette clientèle-là d'étudiants voulant développer la librairie de fond, avoir un fond intéressant dans plusieurs domaines. C'était l'endroit de choix. Ça remonte à quelle année? 71 pour l'ouverture dans la pyramide. 71 ou 72, là, ma mémoire fait défaut. On est à Québec depuis 65, voilà, ça remonte quand même à un bon bout de temps. Une bonne longévité, effectivement. Vous avez vu la pyramide se transformer aussi, j'imagine. Ah oui, définitivement, oui, au fil des années. Comment on pourrait qualifier la librairie La Liberté en 2019? Parce que vous êtes plusieurs librairies indépendantes aujourd'hui à Québec. Comment vous vous démarquez, vous? Écoutez, on a toujours gardé ce cap-là. Là, quand je disais que mon grand-père avait toujours vu la librairie comme une librairie de fond, ou généraliste, par ailleurs, on a toujours gardé ce cap-là. En fait, on a développé différents secteurs. On a des forces, nous, beaucoup en sciences humaines, en littérature jeunesse, en littérature générale aussi. Et on s'est toujours fait un devoir de mettre en avant le fond. Quand on parle du fond, c'est les titres qui ont souvent un ou deux ans d'âge de plus que les nouveautés qui viennent toujours d'arriver sur nos tablettes. Alors, c'est ce qui définit notre travail, c'est de valoriser ce fond-là, les classiques, mais aussi tous les fonds des éditeurs, tout ça, qui sont souvent des fois écartés des tablettes parce que, justement, ils deviennent un peu trop vieux, on mise sur les best-sellers, alors que nous, on décide de valoriser toujours ce fonds-là. Et je vous dis que c'est certain que la clientèle étudiante, qui est une clientèle aussi amoureuse de la culture, nous permet aussi de valoriser ce fonds-là parce qu'il y a un intérêt là, vraiment. Une clientèle qui vient étudier à la pyramide Sainte-Foy aussi. Ils sont nombreux, particulièrement, j'imagine, pendant la relâche pour les examens qui s'en viennent. Et pour la relâche, vous avez transformé la librairie La Liberté aussi. Tout à fait. Alors, on offre à la clientèle pendant la relâche un bain de forêt. On peut parler de sylvothérapie, c'est le terme un peu plus scientifique, qui définit justement les bienfaits que peuvent apporter le fait de s'immerger un peu dans la nature. Nous, on croit aussi beaucoup aux bienfaits de se plonger dans un livre. Hein. C'est quand même un rapport un petit peu plus calme, posé avec cet objet-là qui est le livre, quand on compare justement avec les stimuli, tout ça, les technologies, ce que ça peut nous apporter. Et là, bien, en plus, on a décidé justement, grâce aux Floralies Jouvence qui sont nos partenaires dans cet événement-là, là, on a vraiment intégré plein de plantes pour rendre plus vivante la librairie, puis vraiment offrir un bain de forêt littéralement à nos clients qui viennent nous visiter pendant la relâche. Et c'est fou comment ça change le décor, c'est tout de suite très apaisant. Hein? On dit que ça a les effets pour réduire le stress, là, c'est immédiat. Oui. Ben oui, et puis ça nous fait une petite pause l'hiver là, qui s'éternise cette année, donc c'est bien agréable, autant pour les libraires que la clientèle, je pense. Et vous profitez aussi de la relâche pour tenir des activités spéciales, comme ce samedi 9 mars à 10h, on proposera une heure du conte philo. Oui, tout à fait. En fait, on anime des activités jeunesse tout au long de l'année, mais on se fait toujours un devoir d'en présenter quelques-unes pendant la relâche. Et là, on a le privilège de recevoir une auteure qui a publié un très bel album aux éditions du Seuil qui s'appelle « L'histoire du pommier qui rêvait d'être un sapin ». Alors, elle va venir lire son texte ainsi que deux autres textes. Et par la suite, il va y avoir vraiment un atelier, une discussion philo autour des thématiques abordées dans les livres qui vont être lus. Alors, les enfants vont pouvoir participer à cette belle discussion-là. Ça va être vraiment quelque chose de chouette pour les familles, je pense, là, puis vraiment pour les enfants de tous âges. Donc, c'est ce qu'on vous offre samedi dans notre thématique. Hein, il y a quand même un filon conducteur avec la forêt, tout les ça. Les arbres. Les arbres, exactement. À partir de 4 ans, d'ailleurs, pour participer à cette activité, c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Pas besoin de réserver non plus. Écoutez, on a quand même relativement beaucoup de place, je dirais, en librairie. Ça arrive, habituellement, on arrive à asseoir tout le monde. Ce sera premier arrivé, premier servi. Mais généralement, on arrive à loger tous ceux qui se présentent. Donc, on vous rappelle, heure du conte philo autour de ce livre, Histoire d'un pommier qui rêvait d'être un sapin, ce samedi 9 mars à 10h. Également, en tout temps, on peut laisser notre citation préférée sur un boulot, accroché à un boulot. Oui, exactement. Alors, sur notre arbre à citation, notre boulot à citation, alors c'est à l'entrée de la librairie. Vous pouvez venir prendre le temps de vous asseoir sous les palmiers, tout ça, et justement, laisser votre petit mot, votre citation, l'accrocher au boulot. C'est quelque chose d'un peu plus poétique et tout ça, ça anime notre vitrine, alors n'hésitez pas à venir vivre l'expérience. Ça peut être une citation de tout type. Là, de tout type. Ça peut être une citation d'un de vos auteurs coup de cœur. Ça peut être vous-même qui nous laissez un petit mot, tout simplement. Donc, c'est vraiment, tout simplement, vous vous laissez porter au gré de votre inspiration, un petit moment d'arrêt, un petit moment de réflexion, et puis vous ajoutez vos mots à tous ceux qui habitent la librairie, déjà. On a parlé de votre installation à la pyramide Sainte-Foy depuis les années 70, mais vous avez pris une lourde décision de déménager. Une grosse décision. Alors, effectivement, on déménage au mois de juin. On quitte la pyramide pour quand même la route de l'église. C'est quand même... C'est le même secteur. C'est le même secteur, un petit peu plus loin, mais on reste dans Sainte-Foy, ça c'est vrai. On a eu une très belle réception à la suite à cette annonce-là. Alors, on va être situé directement en face de la bibliothèque Monique Corriveau, dans un local 100% neuf. On va avoir pignon sur rue. Je vous dirais que la dynamique de la librairie, fondamentalement, on va travailler toujours de la même façon, ça c'est évident, mais la dynamique va changer un petit peu. Il va y avoir maintenant un café à l'interne pour accueillir nos gens. On va avoir vraiment pignon sur rue avec une petite terrasse à l'extérieur l'été. Ça va être fenestré. On veut en faire un lieu vivant, un lieu chaleureux. Garder évidemment le même inventaire. Toujours le travail d'une librairie de fond, ça c'est vraiment le cap qu'on conserve. Mais vous allez voir qu'on va en avoir profité pour revaloriser nos forces et puis en faire vraiment un lieu accueillant. Alors au 1073 route de l'église au mois de juin. Ce sera là que ça se passe. Vous prévoyez quelque chose pour votre crémaillère? Oui, sans doute que oui, on est un petit peu dans les préparatifs, mais ça va probablement aller plus au mois d'août, fin août, début septembre. La rentrée littéraire, c'est un moment d'effervescence en librairie. Ça sera probablement le moment pour nous, le temps d'avoir laissé un peu retomber la poussière, de justement prendre la crémaillère et d'inviter tout le monde à venir nous rendre visite dans un événement festif pour l'ouverture. À suivre notamment sur votre page Facebook, hein, Librairie La Liberté, également sur votre site web. Là, j'imagine, avec le Festival de cinéma en famille de Québec, au cinéma Le Clap. Oui. Vous avez des répercussions sur l'achalandage de la librairie juste au-dessus. Oui, tout à fait. On a toujours partagé une clientèle depuis qu'on est voisins, hein, Le Clap et nous. C'est des gens amoureux de culture, des familles. Donc, c'est merveilleux de voir ça, cette cohabitation-là qui se fait. Les familles viennent voir un film et tout ça. Ça monte après, ça vient bouquiner dans le secteur jeunesse. Il y a vraiment une belle synergie culturelle qui est agréable à vivre comme ça. Donc, c'est beau de voir ça, les gens qui rentrent là, pendant la relâche. C'est pas un moment de tranquillité, pas pour les libraires en tout cas, puis j'imagine pas pour les cinéphiles. Non, c'est certain. On voit que ça circule de vraiment toute la journée sans arrêt. Est-ce que vous aiguillez vos vitrines, vos présentoirs en fonction de ce qui se passe au cinéma aussi? Mais c'est sûr qu'on est toujours à l'affût de ça en fonction de ce qui se passe au cinéma. C'est certain parce que ce sont nos voisins. Puis il y a beaucoup de films ou de qui sont issus. Des fois, même les scénarios sont tirés de romans ou de livres. Donc ça, on est toujours à l'affût de ça. On a aussi notre chronique littéraire dans le magazine Le Clap où on présente des livres. Donc oui, il y a toujours cet échange. Là, et puis, c'est quelque chose aussi qu'on souhaite continuer à faire, même après le déménagement, même si on ne sera plus voisins immédiats. Mm. Ils ne seront pas très loin, eux, à Place Sainte-Foy, nous, sur la route de l'église. Alors, je pense qu'on va toujours continuer à partager cette clientèle-là. Le cinéma Le Clap étant fondamentalement un cinéma plus de répertoire qui offre un peu une offre cinématographique un peu différente. Bien, c'est des gens, justement, c'est la plupart de leur clientèle, je pense que c'est des gens lecteurs aussi. Et puis... on va continuer à partager ça. Le lien va rester. Vous nous rassurez. Oui. C'est vrai, vous déménagez tous les deux la même année. Ah oui, c'est quelque chose. Donc, oui. ça va certainement créer un vide aussi à la pyramide Sainte-Foy. Donc, on le rappelle, je le dis encore une fois, si on veut vous suivre, il y a le site internet librairielaliberté.com. C'est aussi une bonne façon de connaître ce qu'il y a dans vos rayons. Vous mettez les livres qui sont en vitrine. On peut aussi commander en ligne. On peut commander en ligne. Vous pouvez aussi commander en ligne via leslibraires.ca. Notre site internet est lui aussi à quelques années d'âge. D'ailleurs, je vous l'annonce en primaire, notre formule web va aussi être faite entièrement. La livraison est prévue pour juillet, mais là, j'arrête pas trop de moments parce qu'avec tout ce qui se brasse chez nous en ce moment. Mais bref, on va avoir un nouveau site Internet qui va entrer en vigueur dans les prochains mois. Mais d'ici là, oui, vous pouvez acheter sur notre catalogue en ligne. Et puis, vous pouvez toujours... on est membre de la coopérative Les Libraires, donc qui regroupe les librairies indépendantes de la province. Et en passant par leslibraires.ca, vous avez accès aussi à un catalogue et vous pouvez nous choisir comme librairie de point de chute pour des mises de côté ou encore pour des commandes carrément. Alors, à retrouver dans la pyramide Sainte-Foy Librairie La Liberté. Je remercie la directrice de cette librairie, Elena La Liberté, qui est passée nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne relâche, alors. Ben, merci bien, à vous de même. Au plaisir. Et nous, dans quelques instants, on découvre une autre entreprise, de la pyramide Sainte-Foy. On y va en sport, cette fois. Kung Fu Québec nous rendra visite. Ça sera juste après Forest Boys. Voici Electrify. sortie culturelle. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que 25$ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. Le Théâtre Périscope présente une coproduction du Théâtre Sortie de Secours et Ubus Théâtre. Une histoire lumineuse, sensible, bouleversante, entre rêve et réalité. Où se cache donc la vérité? Maria et Lévi Révé. De Philippe Soldevilla, du 12 au 30 mars 2019. La boîte à pain présente le pain du mois. Noisettes et raisins. Tous les gens et les écureuils sont charmés par ce pain au goût praliné provenant des noisettes grillées. Alors, c'est pas étonnant de voir certains clients se remplir les bajoues et partir en grimpant aux arbres. Le noisette et raisin à 25% de rabais, maintenant à 3,95. Si le pain est notre gagne-pain, l'ami est notre ami, t'sais? Boiteapain.com. T'as peur de ce blanc qui vient casser le rythme de la discussion? Tu cherches toujours à avoir la réplique parfaite? Il te faut la machine à réplique. Cinq auteurs viennent à ta rescousse en prenant le contrôle de la page Facebook de Rhizome, Littérature vivante. Non. Du 11 au 16 mars, compte tes malaises à Véronique Côté, Ariane Lessard, Jean-Christophe Réel, Gabriel Robichaud et moi-même, Vanessa Bell, nous trouverons la réplique assassine. Alors, que pensez-vous de nos forfaits? La Corrigane se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'École bleue, les Esties, l'Armée rouge et le Géant ont mille histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à La Corrigane. Le pied bleu, c'est quoi? Un bouchon, un bistrot d'inspiration lyonnaise, des plats longuement mijotés à partager en couple ou en groupe. Le renard et la chouette, une buvette de quartier, cuisine de partage suivant les saisons axée sur les légumes et les poissons. Natoy, restaurant traditionnel vietnamien, l'expérience barbecue, un voyage de l'autre côté de la terre. Trois lieux, une même convivialité. Le pied bleu, votre artisan charcutier. Piedbleu.com ou visitez notre page Facebook. Sortie culturelle. Sortie culturelle au Festival du cinéma en famille de Québec vous est présentée en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. La météo vous est présentée par Rhinfraie Volkswagen Lévis. Véhicule neuf ou usagé, inspection, assistance routière, protection additionnelle, le programme de garantie d'Asvel Toto. Chaque véhicule d'occasion est soumis à une inspection rigoureuse pour nous assurer qu'il répond aux normes de qualité qui caractérisent Rhinfraie Volkswagen Lévis. Venez nous rencontrer au 5355 boulevard Guillaume Couture à Lévis. Rhinfraievw.ca. Météo. Ce soir et cette nuit, ça sera un ciel partiellement nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige. Tôt ce soir, on prévoit du vent également et des températures très fraîches. On descend à un minimum moins 21 degrés ce soir et cette nuit. Demain, c'est une alternance soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse de neige en après-midi. Du vent avec des rafales à 40 km/h en mi-journée et un maximum de moins 10 degrés. Le soleil sera de retour plutôt vendredi et samedi avec des températures à la hausse. On approchera zéro en début de semaine prochaine. Présentement, c'est généralement nuageux, moins 10 degrés à Québec. De retour dans Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec, en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy. On vous accompagne tout au long de ce festival pour vous faire découvrir les différentes activités et les films, bien sûr, qu'on peut y voir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on profite pour visiter la pyramide Sainte-Foy, où se trouve encore le cinéma Le Clap pour quelques mois seulement, avant de déménager à Place Sainte-Foy. Et on avait envie de faire le tour de quelques organismes culturels, sportifs qui se trouvent à la pyramide. Et c'est notamment ici qu'on peut retrouver Kung Fu Québec. On en parle avec le cofondateur Michael Lee qui est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est le Kung Fu ? On sait que c'est un art martial, mais alors on va tout de suite situer d'où ça vient. Alors le Kung Fu, c'est un art martial chinois. Tout d'abord, souvent les gens confondent karaté, Kung Fu, on mélange tout. Donc c'est ça, le Kung Fu provient de la Chine. Ce qui est la différence principale avec les autres arts martiaux. Et une démarche spirituelle aussi dans le Kung Fu? Effectivement. C'est sûr que nous, notre approche, on est plus fondée sur le conditionnement physique, mais toute la philosophie chinoise reste toujours en arrière-plan durant nos pratiques. Michael, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au Kung Fu? Ça a commencé il y a presque 15 ans. J'ai découvert le Kung Fu à Québec. Puis après quelques années de pratique, j'ai décidé de transférer ma pratique en Chine, où je suis allé à plusieurs reprises pour ma formation et j'ai ouvert Kung Fu Québec avec mon associé Stéphane Lévesque. Mais à l'époque où tu as découvert le Kung Fu, est-ce que l'offre pour les cours était grande ou c'était très niché à ce moment-là à Québec? Je vous dirais que le Kung Fu est quand même un peu méconnu. Les gens ont tendance à s'orienter vers le taekwondo, karaté. Le Kung Fu reste encore à découvrir. L'offre à l'époque était plus ou moins grande. Encore aujourd'hui, je crois que nous, à Sainte-Foy, à la pyramide, on s'est quand même bien situé. Puis on est vraiment content de nos 300 membres actifs dans l'école. On est une des plus grosses à Québec, là, dans le Kung Fu, assurément. Quand même, effectivement. Vous êtes ici depuis 2010 à la pyramide Sainte-Foy? Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici, précisément? On aime bien la localisation, la pyramide, tous les services à proximité. C'est sûr que le fait d'être près de l'université, des cégeps, ça nous aide à avoir une clientèle un peu plus étudiante, là, oui. Et dans les bienfaits, donc on parlait de la démarche spirituelle dans le Kung Fu, évidemment c'est une activité physique aussi où on doit beaucoup se dépenser, mais quels seraient les autres bienfaits? On parle souvent de la défense aussi quand on parle de Kung Fu, de l'autodéfense. Oui, ça fait partie du Kung Fu. Nous, on travaille vraiment tous les aspects, autant endurance, musculaire, souplesse. On développe tous ces aspects-là en même temps, donc le Kung Fu reste une activité, un sport vraiment, vraiment efficace. Le cours dure combien de temps, généralement? On parle de cours de 2 heures pour quand le même. Kung Fu. Oui. On n'est pas trop brûlé à la fin? Quand même. Bah, oui, moi, oui, j'ai l'impression que c'est énorme, 2 heures d'activité physique comme ça en art martial. Le cours est modulé en fonction de... Il y a des pauses et tout. Et quand on fait la partie souplesse, c'est un peu moins exigeant, mais quand même, oui, 2 heures, c'est un 2 heures bien investi. Est-ce que vous retrouvez l'équité dans vos cours ou est-ce qu'il y a une popularité plus masculine que féminine pour le moment? C'est un bon point, effectivement. Je dirais que de plus en plus, on commence à avoir l'équité 50-50. Mais au début, principalement, les hommes pratiquaient, là, oui. Et comment vous faites pour vous démarquer à travers tous ces arts martiaux? Tu les as évoqués, Michael, on parle du karaté, on parle du taekwondo aussi, qui sont très populaires. Comment vous vous démarquez avec le kung-fu? Je crois qu'au niveau de la fluidité des mouvements, les entraînements, c'est toutes des choses qui nous démarquent par rapport avec les autres styles, les gens qui voient le kung-fu, notre façon de bouger, ça peut paraître artistique, mais en même temps, ça demande énormément de coordination, d'agilité. Puis à la pyramide, c'est sûr que nos installations on est vraiment chanceux, là, au deuxième étage, la luminosité, l'approche qu'on a aussi avec nos membres, le côté humain qu'on développe derrière les arts martiaux, on est vraiment une communauté, donc je crois que les gens se reconnaissent par rapport à ce qu'on offre, puis on tire notre épingle du jeu à travers tous les styles qu'il y a à Québec. Et notamment aussi à travers les cours parents-enfants. Parce qu'on peut faire du kung-fu parents-enfants. Oui, on offre le cours parents-enfants la fin de semaine. Puis c'est un cours qui est très populaire. Je crois que les parents aiment pratiquer l'activité avec les enfants. Ça crée des liens, ça rapproche. Puis avec tous les autres enfants, les parents... Non, c'est vraiment une belle communauté. On est fiers de tout ce qu'on a créé là, depuis ces années-là. Comment ça marche pour les cours? Est-ce qu'il y a des sessions? Est-ce qu'on peut faire un cours à la carte aussi? Je sais que vous avez le cours d'essai gratuit qui est offert avec Kung Fu Québec. Oui, on offre la possibilité aux gens de venir faire un essai gratuitement. Généralement, on fonctionne en session de 3 mois. Puis c'est sûr qu'on offre aussi les forfaits à la carte pour les gens qui ont des horaires un peu plus atypiques. On a parlé des cours parents-enfants. J'ai quelqu'un qui vient de me glisser une question. Merci. J'aime beaucoup le principe. On me demande, est-ce que les vieux, entre guillemets, peuvent faire du kung-fu? Il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour la pratique du kung-fu. C'est simplement de bien déterminer nos objectifs. On vise la santé en premier. Hein. Puis, si le kung-fu est une approche externe, donc on va vraiment travailler le conditionnement physique, il y a toujours les aspects tai chi, qigong, où là, on va aller chercher plus le côté méditation, bien-être. Tout le monde trouve son compte dans notre horaire. Là. Oui. En fonction du cours voilà, que vous offrez. Et le tai chi, par exemple, et comment on le prononce? Le qigong. Le qigong aussi qu'on peut faire. Pardon, excusez-moi, j'ai renvoyé le papier plus loin. Le qigong qu'on peut aussi faire chez Kung Fu Québec. Alors, je rappelle votre site internet kungfuquebec.com. Et la meilleure façon de s'y initier, c'est de faire le cours d'essai gratuit, alors. Absolument. Je pense que les gens, en venant faire un essai, vont comprendre pourquoi on s'est implanté aussi rapidement à Sainte-Foy. Puis qu'est-ce qui fait nos forces? Et on le rappelle, il y en a pour tous les âges, autant pour les enfants de 4 ans jusqu'aux âges les plus sages. On commence de 4 à 5 ans, 6, 7 et 8, 13. Donc tous les enfants, on a des cours adaptés pour les jeunes. Alors Kung Fu Québec, je rappelle l'orthographe, hein, Kung Ka. UNG Fou FU Québec.com si vous voulez visiter et réserver votre cours d'essai, par exemple. Michael Lee, merci beaucoup. Merci à toi. Co-fondateur de Kung Fu Québec. Dans quelques instants, on entre dans cette programmation du Festival de cinéma en famille de Québec avec Annie Frenette qui fait partie de l'organisation. Ce sera juste après Paul Carniello. Voici Promises. Je te promets que ça sera bon. Je te promets qu'on gagne. sera mieux, mais je te promets pas que ce sera parfait. Retour dans Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec. On est en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Et ça y est, on entre dans le vif du sujet, programmation du festival qui bat son plein. Je vous rappelle que ça a commencé la fin de semaine passée. Ça se poursuit jusqu'au 10 mars prochain pendant toute la relâche. Donc on peut profiter de voir des films en famille, mais aussi des ateliers pour connaître un peu l'envers du décor au cinéma. Pour en parler, je reçois Annie Frenette, membre de l'équipe du Festival de cinéma en famille de Québec. Bonjour Annie. Bonjour Jessica. C'est notamment toi qui sélectionne les films en programmation au festival. En grande collaboration avec Robin Plamondon, qui est le programmateur officiel, mais c'est sûr qu'on discute tout au long de l'année des films qu'on a vus, qu'on espère, des grands coups de cœur également. Donc oui, un peu, mais mon vrai titre, c'est chargé de projet. Donc je m'assure que tout va être en place, qu'il y a des gens à la bonne place, les films partent à la bonne heure. Et là, juste avant qu'on parle de ça, il y avait une sonnerie de système d'alarme. Je me disais, c'est bien. Pour mon entrevue, il y a un système d'alarme. Donc, c'est un bruitage d'un Annie film arrive. D'animation. Attention, on éteint un feu. Annie, comme je le disais, la programmation bat son plein. Et ce soir, une soirée importante au cinéma Le Clap de Sainte-Foy, puisque c'est un programme dédié à la relève. Oui, on l'a quelques années appelé amateur. Et cette année, on s'est dit, non, c'est pas amateur, c'est des gens de la relève qui, à chaque année, nous envoient des films et ils seront probablement les grands cinéastes de demain. Si c'est pas des cinéastes, des gens qui travailleront dans le milieu du cinéma ou encore des cinéphiles à tout âge, finalement. Mm-hmm. Donc, on fait toujours une soirée pour eux. On les invite et on les regarde attentivement, ces films-là, pour bien les choisir. La plupart, c'est des réalisateurs de Québec. On en a un qui vient de la France cette année. C'était une première. Donc, on fait un beau petit programme, finalement, franco-québécois. Et ce sont des courts-métrages qui vont être présentés ce soir notamment. Oui, c'est ce soir à 19h à la succursale Sainte-Foy du cinéma Le Clap. Il reste des places, donc c'est le prix courant de la billetterie. Vous êtes invités bien sûr à venir nous rejoindre et voir ce que les jeunes ont à vous proposer. Je mentionne évidemment la présence du Machin Club ce soir pour ce programme de la relève et plusieurs films où nos enfants, j'ai envie de dire nos enfants parce qu'ils ont une émission tous les dimanches à 19h à CKRL avec Partout où on va. Ils ont tourné dans ces différents courts-métrages réalisés par Pamela Bisson ou Pammy Poppins, tout dépendant du film. Alors si vous voulez voir les enfants en action, ça sera sur grand écran ce soir au cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Également, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer d'ici demain? Bien, je vais commencer par demain soir à la succursale de Loretteville. On se fait un doublé. Alors, il y a une soirée pyjama dans une des salles à Loretteville. Donc, on vous invite à venir voir le film Grand méchant renard, qui est notre coup de cœur 2018 à toute l'équipe du festival. Donc, d'aller voir un film en pyjama au cinéma, c'est toujours agréable. Mm-hmm. Et on continue tant qu'être dans les déguisements avec la soirée cosplay. Donc, on vous invite à venir également costumé pour la soirée cosplay. On présente le film Moutafoukaz. On a eu l'occasion de le présenter à une reprise lors du mois d'animation en octobre dernier. Et j'en suis bien heureuse qu'on le représente demain soir. C'est vraiment un film d'animation 13 ans et plus tiré d'une BD. C'est un film franco-japonais. Donc, 19h30 demain soir à Loretteville, à ne pas manquer également. Il reste des places? Il reste encore des places. J'ai vérifié avant de rentrer en onde. Donc, à Loretteville, en fait, demain soir, c'est les soirées à 7 $. Donc, pourquoi pas d'en profiter? Puis faites vite, ça va se remplir. Ça va se remplir, on a bien hâte. Donc, demain, il y a beaucoup d'activités, soit à Sainte-Foy, soit à Loretteville. Donc, autant activités, entre autres, de doublage. Donc, on fait des voix sur des capsules de l'agent Jean. Ça, c'est à Loretteville. Le coût, c'est simplement d'avoir son billet de cinéma qui est valide pour la journée. Et il y a 4 plages horaires dans la journée. Donc, 10h15, 11h15, 13h et 14h. Donc, vous pouvez le faire l'atelier soit avant ou après votre film. Donc, une chance aussi de découvrir un métier de cinéma qu'on voit quand même rarement qu'on peut essayer là. Effectivement, même si les voix québécoises sont souvent bien connues hein, dans ce milieu du doublage. Et l'atelier, en fait, on a la chance de pouvoir l'offrir à cause de Happy Camper Media et Studio du coup Animation qui ont été les deux à pouvoir nous proposer cet atelier-là. Donc, demain, il y aura Hugo. Excuse-moi. J'ai oublié le nom de l'acteur demain. Il sera présent pour vous montrer les voix. Je suis... Oh, mon Dieu, faudrait être là. Faudrait être là, tout simplement. Il reste de la place aussi pour cet atelier. Oui, absolument. C'est pas le cas de tous. Hein. Je sais que, par exemple, l'atelier effets spéciaux, c'est déjà complet. C'est déjà complet. Ensuite, il y avait l'atelier image par image qui est donné vendredi matin. C'est également complet. Grand bonheur pour nous. C'est malheureux pour les gens, mais venez quand même voir demain deux activités. Donc, l'atelier doublage et également la baleine nomade, qui sont des gens qui viennent un peu démystifier et donner des trucs pour être des bons défenseurs de l'océan. Toujours important de sensibiliser nos enfants à cette cause. Et on parlait des différents billets. Annie, justement, si on veut en profiter, rappelons quels sont les billets qui sont disponibles pour profiter du Festival de cinéma en famille de Québec. Bien, toujours le passeport. Donc, il y a des passeports pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Un passeport 2 personnes, vous pouvez assister à tous les événements et retirer 2 billets à la fois. Il y en a encore en vente pour les 3 groupes. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir un adulte par passeport lorsqu'on vient récupérer les billets. Le coût, passeport, il reste quand même jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, ça vaut quand même le coût, un passeport 90 $ pour 2 personnes pour venir voir plein d'activités. Ça inclut aussi les matinées au Hilton. Il nous reste vendredi matin, samedi matin. Donc, on va voir un film à l'hôtel Hilton Québec. Et on garde notre billet. On peut aller se baigner dans la journée au Hilton dans la piscine chauffée extérieure. Ça, c'est quand même une sacrée activité que vous avez imaginée avec spécialement. Oui, pour le festival et la semaine de relâche. Oui. Il y a aussi, on parle beaucoup de longs-métrages, d'activités, mais il y a les programmes de courts-métrages qui nous tiennent à cœur, qui permettent de découvrir différents styles, en fait, artistiques. Parce que pour moi, un film d'animation, c'est souvent le merveilleux mélange entre le théâtre, le cinéma, et la littérature, c'est vraiment tout ensemble des histoires, mais un programme de cours, ce que ça veut dire, c'est que le programme dure 1h30 et on peut présenter plus ou moins 9 à 12 courts-métrages. Donc, ça nous permet de découvrir 12 histoires, 12 univers artistiques différents. Mm-hmm. C'est une superbe vitrine pour ces créateurs, justement, qui mettent presque autant de temps que pour un long-métrage, j'ai envie de dire, dans certains projets. Même si le court-métrage dure 5 minutes, c'est des heures, des mois de travail, j'ai envie de dire même. Et j'ai envie de dire que ça fait quand même 2 ans que Robin et moi, on voulait présenter un programme de court-métrage d'un pays donné. Oui. Et on a réussi avec Olivier Catrin, qui nous a monté un programme qui s'appelle Panorama de l'animation géorgienne. Donc, c'est vraiment un petit pays en Europe. Et ce qu'ils font comme animation est très, j'ai envie de dire, géorgien. C'est un style à eux. Et j'ai découvert leur film depuis 3 ans, moi, à Annecy. Et c'est vraiment un petit coup de cœur à chaque fois. Et on a enfin la chance de pouvoir montrer ça. Donc, quand je dis l'artistique dans ce programme-là, c'est très, très fort, très diversifié également. Une chance unique de le voir. C'est l'occasion d'ouvrir les horizons sur un pays qu'on connaît trop peu. Même moi, européenne, je vous avoue que la Géorgie, c'est pas le pays que je connais le mieux. Et je me permets de faire un peu de... Parlant de pays, il y a 2 films aussi qui sont assez importants, qui sont 2 longs-métrages en compétition. On a Funan et Wardi. Funan, c'est vraiment l'histoire qui s'est passée au Cambodge avec toute la guerre qui est arrivée là-bas. Je crois que c'est un drame historique, je crois, je le suis convaincue. Mais l'animation permet de bien passer le sujet. Je me demande comment on aurait pu faire ce film-là en fiction. Je pense que ça aurait été un petit peu difficile. C'est un grand film. C'est pour public de 12 ans et plus, 10-12 ans et plus, parce que en même temps, c'est un pan de l'histoire important. Je me permets aussi de parler de Wardi, qui est aussi un film qui parle d'histoire et de politique. C'est sur le conflit israélo-palestinien, mais c'est la vision d'une petite fille. C'est en marionnette, en image par image, et c'est très bien amené. Donc, 2 films à caractère plus dur, si j'ai envie de dire, mais quand même important et plus qu'importants, ils sont, comment dire... Essentiels. Essentiels, oui. Donc, détrompez-vous, l'animation, c'est pas juste des sujets légers. Mais ça peut arriver. C'est, bien sûr, il y en a pour tous les goûts, mais oui, c'est intéressant de voir effectivement qu'on peut aller dans des sujets plus graves. Mais bien sûr, on reste ouvert à proposer aux gens les films de Lego, Dragon, Belle et Sébastien, Astérix et Secret de la Potion Magique. Il y a vraiment énormément de films, énormément de programmes. C'est sûr que j'invite les gens à aller voir le site fceq.ca pour voir qu'est-ce qui est possible, connaître les horaires des deux succursales et en plus pouvoir acheter des billets directement. Effectivement, le site internet qui est mis à jour en temps réel au besoin. Vous avez toujours évidemment la brochure qui est disponible aussi au cinéma Le Clap Sainte-Foy, qui est toujours bien pratique pour faire son petit programme de visionnement. Oui, puis en plus que nous, à chaque page de long métrage, on met la possibilité de pouvoir apprécier le film. On met des étoiles sur le film, l'image ou la musique. Donc l'enfant peut conserver son programme d'année en année puis prendre des notes, comme les grands ont fait quand on va dans les festivals. On prend encore des notes papier dans notre programme. D'ailleurs, Annie, ce soir, au programme de La Relève, des prix seront remis? Oui. Alors, il y a le prix pour la meilleure musique, le meilleur scénario et le meilleur film. Il y aura probablement une mention. Mais pas probablement, je le sais. Je suis dans les secrets. Ouais. Il y a une mention également qui est remise ce soir. Alors, à ne pas manquer, à 19h, mais comme on vous le disait, tout le programme est aussi sur fceq.ca pour tout savoir. Achetez vos billets aussi à l'avance, vos passeports, ça peut se faire en ligne. Annie Frenette, merci beaucoup. Merci à toi, Jessica. Pour ce survol très efficace, on voit que tu as travaillé dessus depuis des mois et des mois. un peu, quelques heures. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants sur l'exposition BD 3D que vous pouvez expérimenter dans le lounge du cinéma Le Clap. C'est en réalité virtuelle, ça sera juste après Vice-Roi. Voici La Myopie du cœur. Sortie culturelle. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000 $. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le 29 mars 17 h et courez la chance de gagner le prix culturel Pré-Radiothon, offert par la Caisse d'économie solidaire Desjardins, comprenant 4 billets pour le concert de la série Apéro, l'heure est grave, 2 billets pour la pièce Les choristes et 2 billets pour le spectacle de Tire le coyote. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 88 640 2575 poste 201 ou encore passez à la station au 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. Les Enfants du Paradis est un magazine entièrement consacré au théâtre et à la danse. Interviews, critiques, panels, tables rondes et chroniques se relaient pour faire de cette émission une véritable fête consacrée au théâtre et à la danse. Les Enfants du Paradis, le lundi, 17h30. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec Omar Sosa et Sékou Keïta. Le pianiste Omar Sosa vient présenter les pièces de l'album Transparent Water en compagnie du joueur de kora Sékou Keïta et du percussionniste Gustavo Ovales. Les trois hommes nous offrent un répertoire mélodique tout en délicatesse où se mêlent voix et improvisation. Le 13 mars, vivez la musique à son meilleur avec Omar Sosa et Sékou Keïta. Détails au palaismontcalm.ca. Tu aimerais améliorer ton français écrit? Apprendre à lire? Prendre part à une création théâtrale? Suivre des ateliers d'initiation à Internet, iPad, Facebook, Excel ou Android? Réintégrer le marché du travail si tu es prestataire du programme d'aide sociale? Participer à des ateliers de francisation? Le cœur à lire. Pas de gêne, pas de stress. 418-841-1042. Phil Smoke Need, c'est un resto ambiance dans le super quartier Nouveau-Saint-Roch avec un menu exceptionnel à base de smoked meat, dont notre spaghetti, notre sous-marin, nos pizzas, nos poutines et nos succulents sandwichs. Chez Phil Smoke Need, nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à visiter notre commerce. Nous mettons toutes les politiques, méthodes, approvisionnements et procédures essentielles pour que votre expérience chez nous soit parfaite. Le client est notre raison de vivre. 461 Saint-Joseph-Est, 418-523-4545. Pour réservation, philsmokemeat.com. Sortie culturelle. Culturelle au Festival du cinéma en famille de Québec vous est présenté en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. De retour dans Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec. On est en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Jessica Leb avec vous. On vous fait découvrir les films, mais aussi les ateliers qu'on peut expérimenter pendant ce festival. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toute la journée, tous les jours de la semaine. Je rappelle que le festival se déroule jusqu'au 10 mars prochain. Et si vous venez au cinéma Le Clap de Sainte-Foy, vous allez pouvoir expérimenter une exposition BD 3D. On se munit donc de lunettes de réalité virtuelle et on découvre des BD québécoises qui s'animent sous nos yeux. Pour en parler, je suis avec le concepteur de cette BD 3D, Patrick Marlot. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick qui est aussi chroniqueur dans l'émission de cinéma CKRL Situation Critique. Je le dis aussi, on est toujours très fiers de voir que vous êtes impliqué dans des milliers de projets. Tout à fait. Tout ce qui est artistique, cinéma, bande dessinée, j'adore. Je suis un grand consommateur. Patrick, raconte-moi d'où est venue l'idée de animer ce qui est figé habituellement, à savoir la bande dessinée. Oui, écoute, je suis vraiment un grand consommateur de bande dessinée. J'ai travaillé longtemps dans une librairie spécialisée en bande dessinée ici à Québec. Donc, est venue tout simplement l'idée d'utiliser cette technologie-là qui est très présente, mais qu'on entend parler, mais qu'on n'a pas souvent accès. l'exposition a été créée par le Biais de culture chez Shawinigan, qui se sont vraiment équipés dans les dernières années en réalité virtuelle. C'est vraiment un créneau qu'ils veulent exploiter, développer. Alors, vu que je travaille avec eux déjà, donc je leur ai proposé cette idée-là un peu farfelue de créer des dessins vraiment en 360 degrés, donc 5 tableaux tirés d'univers de bande dessinée jeunesse, tout public québécoise aussi. Donc, l'idée d'en faire la promotion de ces séries-là, de ces auteurs-là, parce qu'il faut dire que la bande dessinée, vraiment, au Québec, on est dans un âge d'or incroyable. Mmh. Écoute, les médias s'y intéressent, en parlent, les gens en lisent de plus en plus. Donc, cette espèce de stigmatisation que la bande dessinée pour les enfants tombe de plus en plus, et heureusement, c'est une bonne chose. Alors, tout simplement, on a lancé l'invitation à des auteurs de venir faire une résidence à Shawinigan. Ils sont venus 3 jours créer ce dessin-là, donc 360 degrés, comme tu l'as mentionné, qu'on met avec un casque de réalité virtuelle, et ça nous permet d'être dans un dessin, finalement, vraiment. Mmh. Mais, donc, si je comprends bien, ce sont les dessinateurs eux-mêmes qui ont mis en scène leur propre bande dessinée. Oui, tout à fait. Donc, ils ont vraiment créé une œuvre originale tirée de leurs univers. Alors, on retrouve, entre autres, le très populaire Agent Jean d'Alexa, évidemment, la grosse série qui fonctionne très bien. Biodôme aussi, Les Dragouilles, Dans la tête de François, qui est une bande dessinée publiée par les auteurs de Shawinigan. Et évidemment, on a eu une espèce de primaire, parce qu'avec Perrault Éditeur, on développe une bande dessinée tirée de Dans une galaxie près de chez vous. Alors, l'illustrateur Julien Paris-Sorel a pu créer un dessin aussi tiré de la bande dessinée qui va voir le jour, on l'espère, bientôt. Alors ils sont venus vraiment. Et eux, le défi, en fait, Julien était la personne technique qui accompagnait des illustrateurs. Lui, il était déjà venu en amont travailler avec les outils, avec la machine, l'appareil HTC Vive, qui est vraiment la machine avec le logiciel Tilt Brush qui ont pu faire ces dessins-là. Mmh. Alors lui, il venait vraiment tester la machine et après ça, à chaque résidence, il accompagnait les auteurs, évidemment, pour faciliter un petit peu cet outil-là, parce que pour eux, c'est vraiment faire l'illustration d'une autre méthode très différente. En fait, c'est pratiquement plus de la peinture, c'est de la conceptualisation 3D. Alors, mais je pense qu'ils ont eu vraiment un plaisir à relever ce défi-là, à patauger dans cet univers-là de réalité virtuelle. Ça a dû les sortir un peu de leur zone de confort aussi. Eh oui, effectivement, parce que, comme je dis, c'est pas tous les artistes nécessairement qui ont eu la chance encore de travailler avec ce médium-là. Donc, pour eux, ils étaient comme des gamins avec un nouveau jouet, là. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut réaliser avec cette technologie-là, honnêtement. De vivre, d'être dans le dessin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, j'ai testé l'expérience un petit bout, j'en ai eu un avant-goût, il va falloir que je revienne pour poursuivre mon expérience. Oui. Donc, on met le casque, on met les écouteurs, donc il y a de la musique aussi qui a été créée. Oui, on a créé une petite musique pour chaque tableau, en fait, pour vraiment avoir une expérience immersive complètement. Mm. Donc, ça aide vraiment à rentrer dans cette exposition-là, dans cette expo BD. Donc, il dure 10 minutes au total, 5 tableaux, 2 minutes chacun. Donc, c'est quand même assez rapide, mais assez pour qu'on puisse s'imprégner et voir, vraiment expérimenter. C'est vraiment une expérience unique. Comme je le mentionne, la réalité virtuelle, on entend beaucoup parler, mais on n'a pas l'occasion vraiment de la vivre. Peut-être les plus mordus de jeux vidéo vont être équipés à la maison, mais le grand public, beaucoup moins. Donc, on invite les gens à venir tester ça. C'est souvent dans les événements comme des festivals qu'on peut expérimenter la réalité virtuelle, effectivement. Oui. Alors, le monde s'anime autour de vous et ça permet aussi de voir quelles sont nos affinités avec certaines bandes dessinées. On a envie, on est curieux, là, ça attise la curiosité de se dire « Ah, j'ai bien aimé ce dessin-là ». Je vais aller lire la bande dessinée par la suite. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Et jusqu'à présent, honnêtement, elle est présente partout dans les salons du livre. On l'a promenée à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, dans les festivals de BD aussi, les Comic-Con à Montréal. Donc, à chaque mois, on réussit à la placer à différents endroits, différents événements culturels. Et avec le cinéma ici, le Festival Cinéma Famille, on trouvait que c'était justement une bonne idée, même si c'est pas en lien directement avec le cinéma. Mais la bande dessinée et le cinéma, c'est quand même des arts qui se côtoient, évidemment. Oui. C'est de la narration visuelle. Alors, on trouvait que c'est une belle place pour permettre aux gens de l'expérimenter, effectivement. Est-ce qu'on peut l'imaginer en dehors des frontières du Québec? Parce que c'est vraiment une belle vitrine pour cette BD à l'international aussi. Ben, j'ai eu l'occasion en octobre dernier d'aller à Alger, au Festival BD d'Alger. Donc, on l'a amené là. Montréal était la ville invitée. Alors, on est allé sur place avec quelques BDistes. Et oui, et c'était très drôle. Je dirais le tableau dont les jeunes réagissaient le plus, c'était celui de Biodôme. Ce tableau-là, ça se passe dans la neige, les animaux. Alors, pour eux, c'était la première fois qu'ils voyaient de la neige, évidemment, en Algérie. Alors, ça, c'était vraiment curieux, c'était drôle de les voir. Les jeunes étaient très expressifs, réagissaient beaucoup au dessin. Donc, oui, on espère pouvoir la promener. Je crois qu'il y a des bonnes chances qu'elle est en France à l'automne prochain. Donc, c'était le but aussi. Quand j'ai conçu cette expo-là, c'est de la promener, pas juste ici au Québec, mais à l'international, évidemment, et faire rayonner ces séries-là, ces artistes-là d'ici à l'étranger. Mm-hmm. On vous le souhaite, en tout cas. Ben, merci. Pour le moment, elle est à Québec, hein, l'exposition VD 3D. Vous pouvez l'expérimenter dans le lounge du cinéma Le Clap Sainte-Foy jusqu'au 10 mars, entre 9h30 et 16h. Pas besoin de réserver, on se présente dans le lounge à gauche des pop-corns. Je sais que c'est un bon repère. Oui, tout à fait, c'est une activité gratuite, il faut le mentionner. Ouais. Donc, vraiment, ça meuble le temps, justement, défendre deux films. On invite les gens à venir expérimenter ça, BD 3D. Ça va être vraiment une expérience unique à vivre. Pendant le Festival de cinéma en famille de Québec, on vous le rappelle, Patrick Marleau, concepteur de la BD 3D, merci beaucoup. Merci à vous. Et dans quelques instants, on va parler avec le Machin Club, justement, qui revient d'une projection de film. Ils sont allés voir Les Aventures de Rémi. Ils nous en parlent dans quelques instants. comme dans un film Torvis à CKRL 89.1. Vous êtes dans Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec. On est en direct du cinéma Le Clap de Sainte-Foy. Et en découvrant ce festival, on aime aussi découvrir ceux qui sont en arrière, hein, qui vous accueillent ici au cinéma pour que vous puissiez avoir une belle expérience pendant ce festival. Et le responsable des bénévoles pour ce Festival de cinéma en famille de Québec a seulement 15 ans. Il s'appelle Manu. Et je lui parle en ce moment parce qu'il a réussi à se libérer là. Bonjour Manu. Bonjour. Responsable des bénévoles du festival. Évidemment, il y a beaucoup de bénévoles de ton âge, des enfants aussi. La plupart sont adultes en fait. Ah oui? Ouais. Je suis le plus jeune. Puis ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont 17 ans, 16-17. Sinon, il y en a qui sont beaucoup adultes, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer pendant la relâche dans ce festival? Franchement, dans ma relâche, j'avais pas prévu grand-chose. Puis j'avais déjà entendu souvent parler du festival. Quand je me suis fait proposer par Annie Frenette, j'ai accepté. Puis c'est ça. Quel est ton rôle alors, toi, en tant que responsable des bénévoles? Dans le fond, moi, je donne les rôles aux bénévoles. Puis je m'assure qu'ils font bien leur job. Dans le fond, ouais, c'est ça. Je leur dis quoi faire, où aller, quand aller, puis je leur donne leur pause, leur midi, puis je les accueille avec leurs parents. Ce genre de job-là. C'est pas le genre de truc que tu fais tous les jours, en fait. Non, vraiment pas. Quelles sont les tâches? Là, on parlait de l'accueil des visiteurs, peut-être ouais. Au cinéma. Est-ce qu'il y a des tâches de bénévoles qu'on imagine moins en faisant le festival? Oui. Il y a des sondages, entre autres, pour les courts-métrages. Et les bénévoles doivent donner des billets bleus. Dans le fond, pour voter quel est le meilleur film. Mm-hmm. Et alors, ils doivent aller aux salles et donner les billets. Sinon, il y a aussi beaucoup de tâches techniques comme monter et défaire justement la réalité virtuelle. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui l'essaient. Toute la journée, il en faut tout le temps un ou deux qui fait ça. Expliquer comment ça fonctionne, ouais. Etc. Rassurer aussi les plus jeunes. Ça peut être un peu stressant de regarder ses pieds et de ne pas les voir. Là. ça donne un certain mal de cœur chez certains. Et tu es là pour les accueillir hein, dans ce lounge pour la réalité virtuelle. On a parlé de l'exposition BD 3D un peu plus tôt. Là, on est à mi-parcours du festival. Comment tu te sens? Est-ce que tu t'imagines faire ça plus tard dans ta vie d'adulte, dans ton métier? Oui, vraiment. Ouais. Je pense à peut-être travailler au CLAP un peu plus tard. Je vais m'essayer. Oh. Mm-hmm. Puis, j'aime vraiment... j'aime les personnes qui travaillent, l'atmosphère que ça dégage. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu préfères faire, là, dans ton quotidien? J'aime vraiment me déplacer, là, parce que je suis tout le temps en mouvement. Fait que je salue le monde, je leur indique leur salle, parler avec les personnes. C'est vraiment... la tâche la plus le fun à faire. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que t'as des grosses journées. T'es là jusqu'à 20h ce soir. Ouais. T'as commencé à quelle heure? J'ai commencé aujourd'hui à 10h. J'avais quand même. Mais habituellement, je commence à 8h15. Ah oui, ça fait des bonnes journées. Ouais. Pas ouais. Trop fatigué? Un peu, là, mais ça va. Et après, la reprise de l'école? Ouais. Il sourit moi quand je lui parle de ça. Bon, en tout cas, je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup de t'impliquer comme ça en tant que bénévole. Je pense que c'est bien apprécié. Je vois tes deux boss derrière en train de sourire aussi. Elles doivent être bien contentes de t'avoir. Manu, qu'on croise au cinéma Le Clap Sainte-Foy. Merci beaucoup. Merci à vous. Je te libère, tu dois avoir du travail. Ouais. Merci Manu. On retrouve d'autres enfants maintenant qui, eux, apprécient les films dans les salles et vous les connaissez, vous reconnaîtrez peut-être leur voix. Ils sont en direct à CKRL tous les dimanche 19h dans l'émission Partout où on va. Le Machin Club est bien présent au Festival de cinéma en famille de Québec. Je reçois Adèle et Margot qui ressortent tout juste d'une projection de film Les Aventures de Rémi. Bonjour les filles. Bonjour. Adèle, est-ce que tu peux me résumer l'histoire du film Les Aventures de Rémi? C'est un film de Antoine Blossier. En fait, c'est un enfant. Rémi, c'est pas vraiment son nom officiel. Mais c'est un enfant qui a été abandonné par ses parents, qui étaient quand même assez riches, puis qui a été adopté par deux personnes, par un couple, pendant que son mari à la fille, il l'a vu devant une porte d'une maison super riche. Mais lui, il s'était dit que s'il gardait l'enfant, puis qu'il l'adoptait, il allait recevoir profit, comme recevoir de l'argent, parce que la personne riche, elle allait vouloir le remercier. Puis finalement, c'est jamais arrivé. Puis un jour, il est parti au travail, là, à Paris, pendant qu'il était comme en campagne, mais vraiment loin. Puis Puis après ça, il est revenu, genre, 10 ans plus tard. Puis le petit gars, Rémi, avait grandi parce qu'elle avait rebaptisé Rémi, mais son autre vrai nom, je m'en rappelle plus c'est quoi. Mais, fait que là, il est fâché parce que lui, il dit, « Ah, ben là, ils l'ont pourpris, ils nous ont pas donné d'argent. » Fait que là, ben, il a décidé de donner Rémi à l'orphelinat sans le dire à sa mère. Puis finalement, il y a un monsieur, un genre de dresseur de chien avec un singe qui faisait un peu comme du cirque, qui a carrément acheté l'enfant parce que faut croire que parce que ça se passe à une autre époque, puis il faut croire qu'à l'époque c'était légal. Puis peut-être pas forcément, mais en tout cas on le faisait en cachette. Ouais. Est-ce que c'est un film drôle, un film triste? J'ai l'impression que ça passe par plein d'émotions. Ouais, quand même. Est-ce que tu as eu la petite larme à l'œil? Non. Non, pas à ce point-là. Mais non, c'était plus. Quand même, ben, genre, je crois qu'il y en a qui auraient pleuré, là. Mais c'était assez triste, ouais. Oui? Ben, ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, ben, c'est ça, il va vivre avec le monsieur. Il va découvrir plein de choses jusqu'à ce qu'il se passe une autre affaire triste, puis bref, c'est ça. Margot, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu as trouvé ça triste aussi comme film, Les Aventures de Rémi? Oui, j'ai trouvé ça triste. Mais je pense que c'est le but, là. Parce que il y a pas vraiment de scènes drôles dans le film. Il y a beaucoup de scènes tristes, mais il y a certaines. Ben c'est pas triste tout le temps là, parce que sinon ça serait trop. Mm-hmm. Il y a certaines scènes où ils sont heureux ou ça, mais l'ensemble du film est assez triste. Qu'est-ce que vous en avez pensé sinon? À qui vous conseilleriez? Ce film, Les Aventures de Rémi. Mais un public quand même plus grand, parce que, ben, je veux dire... Certaines scènes... Genre peut-être, je sais pas moi, environ 6 ans et plus au moins. Je dirais plus. Minimum, là, parce que, je veux dire, c'est quand même... ça se peut que les plus jeunes, ils comprennent pas aussi. Mm-hmm. Ben, mais il y a certaines scènes quand même... Puis il y a quand même de la violence, là, mais pour de vrai, je pense pas que c'est le problème, là. Je veux dire, quand j'étais vraiment jeune, je voyais des films quand même violents. T'as quel âge, Adèle, juste pour situer? Oh, j'ai 11 ans. T'as 11 ans, Margot? J'ai 11 ans aussi. 11 ans aussi, oui. Donc toi, Margot, tu le conseillerais quand même à des gens plus âgés, des ouais. enfants plus âgés? Ben, à peu près... Moi, j'aurais dit 9 ans parce que c'est quand même... Il y a des scènes assez violentes. Toi, t'as trouvé ça violent par moment? Oui, par moment. D'accord. J'avoue que ça... Parce que ça comportait quand même de la violence. Je veux dire, ça aurait pu traumatiser des plus jeunes. Même avoir peur de la police. Parce qu'il y avait comme de la police qu'à l'époque, ça s'appelait des gendarmes. Puis il y était un qui était vraiment pas sympathique, là. Genre, il y avait... ça crée un coup de matraque sur le gars. Parce qu'il pensait que c'était un voleur. Ben, en fait, c'est parce qu'il faisait un spectacle dans la rue devant plein de monde riche. Puis là, ben, lui, il pensait que c'était des voleurs ou je sais pas trop. Fait que là, ben, il a voulu emmener ses animaux à fourrière. Là, il a dit, ben non, mais moi, je le savais pas, le monsieur qui a adopté Rémi. Puis là, ben, après ça, ils ont sacré des coups de matraque, si je me permets, à tout le monde, carrément. Ben, genre... C'était vraiment assez violent. Ça, c'est une scène qu'on voit dans le film. Mm-hmm, ouais. Donc, c'est quand même assez difficile, effectivement, pour des enfants ouais. plus jeunes. Ben, il n'y avait pas de sang ni rien, mais... C'est quand même quelqu'un qui se fait frapper. Mm-hmm. Ouais. Effectivement. Est-ce que ça vous amène des questions après le film? Vous posez des questions? Ça vous fait réfléchir sur quelque chose en particulier? L'adoption? Je pense un peu, là, mais... Sans plus. Combien d'étoiles vous mettez? Parce qu'on rappelle, dans le petit programme du Festival de cinéma en famille de Québec, on peut mettre des étoiles aux films, à la musique et aux images. C'est sur 5 étoiles. On va faire l'exercice en ondes. Le film, vous mettez combien d'étoiles pour Les Aventures de Rémi? Sur combien exactement? Sur 5. Ben, environ, genre 4 sur 5. Margot, même chose? À peu près pareil. C'est pas votre film préféré de tout ce que vous avez vu? Moi, j'ai bien aimé ce film, par contre. Mais il y a une affaire, il y avait des gens qui parlaient en anglais, là. Mais il aurait peut-être dû le sous-titrer, puisque c'était pas... surtout aussi, justement, pour ça, que des fois, des plus jeunes, c'était peut-être plus dur pour eux de comprendre. Moi, j'ai vraiment pas tout compris, parce qu'ils parlaient comme vraiment vite en anglais, fait qu'il aurait pu sous-titrer ça, là. Mais c'est super n'était pas bon, le cas. Film. D'accord. Margot, tes impressions? Non, le film était assez bon. Mais oui, pareil, les moments où ils parlent en anglais, je suis d'accord qu'ils auraient dû sous-titrer parce que Non, j'ai pas compris. Puis c'est plus difficile à suivre. Ouais. Je pense que la plupart des plus petits n'ont pas compris. D'accord. La musique, est-ce que vous y avez fait attention dans ce film, Les Aventures de Rémi? Oui, ben il y avait quand même beaucoup de musique parce que Rémi, je sais pas si je l'ai dit, mais le monsieur justement là qui a gardé Rémi, c'était un ancien violoniste, mais genre vraiment populaire. Mais il est arrivé quelque chose dans sa vie là, vous l'écouterez pour savoir. Puis ça fait qu'il a arrêté le violon, mais il savait encore en jouer tout. Il faisait de la musique dans ses spectacles de rue. Puis là, ben après ça, il a remarqué à un moment donné que Rémi chantait vraiment bien une comptine. Fait que là, ben il l'a gardé. Puis là, ben, Rémi est devenu super riche quand il a retrouvé... je dirais pas pourquoi, mis à part des fois sa musique aussi, mais... Donc, il y a des moments musicaux dans le film où on entend cet instrument. Il y a une chanson qui revient souvent. Un thème C'est la chanson que Rémi chante. La première chanson que Rémi a appris à chanter. Mais c'est pas avec des vrais mots, là, c'est comme... je suis pas capable de la chanter, là, mais en tout cas, ça c'est quelque chose de même. D'accord. Et les hymnes, alors donc, la musique, combien d'étoiles sur 5? La musique, j'aurais dit 4,5. 4,5, quand même. La musique, elle était vraiment bonne. Adèle? Ben, je dirais 3,5, dans le fond, là. Genre, parce qu'il y a une affaire, par contre, qui était quand même dommage, mais surtout que ça paraissait quand même. Parce que les voix, admettons, de quand que Rémi ou n'importe qui chantait, c'était carrément... c'était comme doublé. Même quand que le monsieur, il jouait du violon, c'était aussi doublé, je veux dire, c'était... Mais ça se voyait que c'était pas eux, ouais, OK. Parce qu'admettons, il avait arrêté de jouer du violon, puis ça continuait de jouer, puis... C'est ça. Mais la musique était bonne, mais ça, il aurait pu faire un effort pour que ça paraisse moins que c'est doublé. Et enfin, les images du film sur 5 étoiles, vous mettez combien? Les images étaient très belles. 4,9 là. 4,9, c'est précis. Ouais. Pourquoi pas 5? Ben 5 parce qu'il y a un truc que je trouve des fois, admettons l'éclairage, on voyait comme une ligne de. Comme si c'était comme le flash du soleil ou je sais pas quoi. Ça paraissait pas tant que ça, mais ça se voyait à deux, trois moments du film. Mais tu sais, une mini ligne de soleil, puis je sais pas, là. Ça t'a pas plu. Ouais. Un petit défaut. Comme... Ouais. Ouais. D'accord. Mais c'était pas comme pour faire plus beau dans le film, là. Je crois que c'était comme vraiment parce que ça aveuglait légèrement, là. D'accord. J'ai trouvé ça un peu plate, là, mais sinon, c'était correct. 4,9 pour toi, Adèle, pour les images, moi, et Margot. Moi, j'aurais mis 4,5 parce qu'il y a certains moments où je trouve qu'on aurait dû voir un peu plus la personne, parce qu'on la voyait, elle était en train de faire quelque chose, mais on la voyait vraiment pas beaucoup, puis dans ces cas-là, je trouve qu'on devrait la voir un peu plus. D'accord, mais c'est quand même une bonne moyenne pour ce film, hein. Je pense qu'on est autour de 4. Oui, c'était vraiment un bon film. Donc ça vous a plu, vous le recommanderiez? C'est beaucoup mieux que la série là, qui a été faite il y a un bout, Rémi sans famille, là, que ça s'appelle. Là. Mm-hmm. Mais quand même, ils ont vraiment gardé ça quand même semblable. J'ai vu dans un bout de la série, ils avaient donné 3 sous exactement pour l'enfant. C'était comme 30$ environ. Là. Mais c'était exactement le même nombre que dans la série. Ça ressemblait beaucoup à la série, mais ils auraient pu modifier un peu. Là, mais c'était quand même un peu différent. Mais j'ai pas tout écouté la série, là. D'accord. Mais alors, si vous voulez attraper le film au Festival de cinéma en famille de Québec, je vous rappelle que tout l'horaire est sur le site fceq.ca pour voir Les Aventures de Rémi, un film d'Antoine Blossier qui nous vient de France. Et donc, Adèle et Margot le recommandent plutôt pour des enfants âgés de 9 ans et plus, avec cette note de 4 étoiles sur 5. Merci beaucoup, les filles. Un plaisir de vous avoir comme critique cinéma à l'émission. Et dans quelques instants, eh bien, l'émission se poursuit. On parlera de l'un des ateliers auxquels vous pourrez assister pendant ce festival de cinéma en famille. Atelier effets spéciaux, en fait, qui affiche déjà complet. Mais on en parlera quand même avec celui qui connaît tout là-dessus, Luc Boulanger. Ça sera dans les prochaines minutes de sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec. Sortie culturel. Le Radiothon de CKRL, c'est les 29, 30 et 31 mars prochains. L'objectif est de 42 000. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Devenez membre au coût de 25 avant le 29 mars 17h et courez la chance de gagner le prix loisir d'une valeur de 150 de la boutique Le Pédalier. Vous voulez devenir membre?

C'est ça qu'il faut préciser, oui. Effectivement, dans ce festival de cinéma en famille. Les effets spéciaux, toi, tu étudies ça depuis de nombreuses années. Quels sont les effets spéciaux qu'on voit dans ce genre d'atelier? Parce qu'évidemment, on ne peut pas tout reproduire non plus. Non, moi, j'ai réussi, on pourrait dire, à mettre ça en quatre catégories. Donc, on a les ateliers, on a les effets spéciaux qui sont produits avec la caméra directement. Par exemple, une disparition, une apparition. On arrête la caméra, on la repart, ça fait une apparition. Ensuite, on a les effets spéciaux d'image par image. Donc, l'animation. En troisième, on a l'écran vert, qui est très utilisé au cinéma, que les jeunes adorent. Donc, on a la chance de l'essayer aussi dans l'atelier. Et finalement, mais tout ce qui concerne les images de synthèse, ça, c'est plus récent. Donc, tout ce qu'on peut faire directement, donc on crée complètement à partir des ordinateurs. On peut dire qu'il y a quatre catégories. Il y a d'autres effets spéciaux qui sortent de ça. Moi, je me concentre sur les effets visuels. Donc, ça n'inclut pas les effets sonores ou les effets mécaniques ou les maquillages, des choses comme ça. Mm-hmm. Ah oui, parce que c'est un monde infini hein, dans cette évocation des effets spéciaux. Il s'en crée toujours des nouveaux effets spéciaux. Ils évoluent avec la technologie aussi. Exactement. Alors, lors des ateliers, tu viens avec ton écran vert, t'as le logiciel de montage, comment ça fonctionne? Exactement. Donc, oui, dans les ateliers, il y a toujours une partie où j'explique. Des fois, je fais un petit historique, j'explique d'où ça vient, quels sont les premiers films qui ont utilisé ces effets spéciaux-là. Et ce qui est intéressant avec l'atelier, c'est que j'explique comment en faire soi-même. Donc, avec des applications qu'on peut trouver sur Internet ou sur nos tablettes, sur nos téléphones. Donc, on voit comment les professionnels font. Et ensuite, on voit comment nous, on peut le faire. Donc, on l'essaie, on fait de l'écran vert, exemple, dans l'atelier. Donc, les jeunes, il y a des jeunes qui viennent en avant, je les mets devant un fond étoilé ou devant une maison hantée et je leur demande d'avoir peur. Donc, c'est très drôle. Et ça montre comment on peut faire. C'est devenu très accessible maintenant. Donc, l'idée n'est pas juste d'expliquer comment on fait les effets spéciaux, mais vraiment que les enfants puissent vivre aussi les effets spéciaux eux-mêmes. Exactement, c'est ça. Et dans certains ateliers, même, je fais un petit document qu'ils peuvent rapporter à la maison, montrer à leurs amis, mettre sur Facebook. Et c'est ce que j'allais demander, parce qu'évidemment, quand on vit ça, on a envie de l'immortaliser. Exactement. Et parmi les trucs aussi qu'on apprend lors de cet atelier, on apprend comment Superman vole. Absolument. Donc, et c'est très drôle parce que je monte un extrait à un moment donné où on voit le comédien qui joue Superman, qui est tenu par toutes sortes de ficelles, et il y a plein de gens autour de lui qui font vibrer sa cape, qui ont des espèces de gros séchoirs là, qui font vibrer. Donc, pour faire un vol de Superman, il y a au moins 7-8 personnes qui sont mises à contribution juste alentour de lui pour que ça ait l'air le plus réaliste possible. Parce que sinon, la cape, il faut qu'elle ait l'air vraiment de voler. En mouvement, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de travail, plus qu'on pense. C'est ça que les gens réalisent quand on fait l'atelier. On fait quelques petits essais, puis là, ils font « Ah oui, c'est bien, mais c'est compliqué hein, quand même. Il faut que ça ait l'air réaliste. Et c'est pas tout le temps clair aussi. Si on a un dinosaure devant nous, où est le dinosaure? Il faut imaginer que le dinosaure est là. Il faut regarder au bon endroit et il faut avoir l'émotion qui va avec parce qu'on ne le voit pas. Donc, c'est difficile d'avoir peur quand on ne voit pas l'élément qui nous terrorise. Et évidemment, les acteurs découvrent ce résultat-là bien après avoir tourné la scène aussi. Hein? Oui, c'est ça. Là, nous, à l'atelier, ce qui est plaisant, c'est qu'on le fait tout de suite. Là. Donc, on tourne la petite scène et on le monte à l'écran, ce que ça donne. Donc, ça nous fait comprendre. Ça fait comprendre comment le cinéma fonctionne. L'industrie, aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Peut-être de comprendre aussi pourquoi certains ont l'idée que ça coûte aussi cher d'aller au cinéma. C'est parce qu'il y a une histoire de rentabilité. Et ça coûte très cher. Et j'explique souvent aux jeunes pour avoir participé moi-même à quelques tournages. Donc, un tournage, c'est long. On se lève de bonne heure. À 6 heures, on est sur le plateau. Mais on ne commence pas à tourner avant 8-9 heures parce qu'il y a toutes sortes de choses à préparer, les maquillages, les éclairages, tout ça. Et souvent, on va terminer tard parce que comme les équipements coûtent cher à louer, ben, on en profite le plus possible. Mm-hmm. Donc, des journées de tournage, c'est très long. Est-ce qu'il y a des enfants qui reviennent à l'atelier des effets spéciaux, même pour... Ils connaissent les trucs, mais ils veulent le refaire. Oui, il y en a qui reviennent. Puis j'offre aussi d'autres types d'ateliers qui permettent d'explorer davantage chacun des aspects que j'ai parlé tout à l'heure. Et il y en a même qui me reviennent des fois et qui m'écrivent « Regarde le film que j'ai fait après ce que tu nous as enseigné ». Donc, c'est le fun de voir que ça suscite des intérêts. Peut-être que même il y en a qui ont trouvé leur voie, on ne le sait pas. Vocation ou loisir, faudra choisir oui, en tout cas. Oui, c'est ça. On rappelle, Luc, l'atelier effets spéciaux est complet demain. Oui. C'est le dernier, 10h15. Mais comment on fait pour te retrouver ailleurs alors? En fait, moi, ça s'appelle Animagination. Studio Animagination. Donc, c'est très facile à trouver sur Internet. On voit les ateliers qui sont disponibles. Vous tapez Animagination ou Luc Boulanger dans Google et vous me trouvez. Et vous pouvez l'appeler, il viendra montrer tous ses effets spéciaux. Comme Superman, je volerai. vers nous. Mais merci beaucoup, Luc Boulanger. Alors, bon festival de cinéma en famille de Québec. Merci de m'avoir reçu, au revoir. Et pour nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais en fait, non, c'est pas terminé. Pierre Blais va venir ici aussi au cinéma Le Clap avec son équipe. L'émission Situation Critique consacrée au cinéma à CKRL va aussi prendre l'antenne depuis le hall d'accueil du cinéma Le Clap Sainte-Foy. Ils vont être avec vous à compter de 18h30 pour prolonger l'expérience cinéma. Moi, c'est Jessica Leb. Je vous retrouve demain pour ce rendez-vous quotidien au festival à 16h30. Et dans les prochaines minutes, c'est Gentiane La France que vous allez vous retrouver pour l'Aérospatiale, votre magazine consacré aux arts visuels sur les ondes de CKRL 89.1. C'est un grand plaisir pour nous de partager toute cette création d'ici et également la culture dont vous pouvez profiter pendant la relâche. Il y en a partout à Québec. Et je vous invite aussi à écouter nos émissions en balado-diffusion sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, pour vous rattraper. Je remercie mon équipe avec moi également en sortie, Simon Roy à la technique, Mélanie Florent à la mise en onde, et je vous souhaite une très très belle soirée sur les ondes de CKRL 89.1. Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec vous a été présentée en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy. CKRL.qc.ca. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre sur ckrl.qc.ca. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. CKRL, de la radio en tout genre, du lundi au vendredi. CKRL vous propose une série d'émissions sur des sujets variés, animés par des spécialistes et des passionnés. L'Aérospatiale est le seul magazine radio entièrement dédié à l'univers des arts visuels à Québec. Gentiane La France anime cette émission en compagnie d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. On peut apprendre beaucoup les uns des autres et de se connaître plus et connaître plus notre histoire et l'histoire qu'on partage. À découvrir sur la fabrique culturelle. L'Institut canadien avait été fondé par des jeunes, surtout par des jeunes gens dans la vingtaine qui voulaient échanger, lire les journaux parce qu'on n'avait pas d'Internet. À ce moment-là, ils lisaient les journaux ensemble pour discuter. Le Marine Center et l'Institut canadien, deux destins croisés dans le Vieux-Québec. Les bibliothèques sont devenues un lieu encore plus important dans la centre-ville, dans tous les centres-villes. Les lieux de silence, les lieux de réflexion. Tous les talents d'ici, une seule adresse, la Fabrique culturelle.tv.